Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. Quatrième épisode. Nosographie de la villa. Est-ce un agrément de ne pas savoir ce qui plaît à sa femme quand on est marié? Certaines femmes, cela se rencontre encore en province, sont assez naïves pour dire assez promptement ce qu'elles veulent ou ce qui leur plaît. Mais à Paris, presque toutes les femmes éprouvent une certaine jouissance à voir un homme aux écoutes de leur cœur, de leurs caprices, de leurs désirs, trois expressions d'une même chose, et tournant, virant, allant, se démenant, se désespérant, comme un chien qui cherche un maître. Elles nomment cela « être aimé », les malheureuses. Et bon nombre se disent en elles-mêmes, comme Caroline, « Comment s'en tirera-t-il ?» Adolphe en est là. Dans ces circonstances, le digne et excellent Deschars, ce modèle du mari bourgeois, invite le ménage Adolphe et Caroline à inaugurer une charmante maison de campagne. C'est une occasion que les Deschars ont saisie par son feuillage, une folie d'homme de lettres, une délicieuse villa où l'artiste a enfoui 100 000 francs et vendu à la criée 11 000 francs. Caroline a quelques jolies toilettes à essayer. On laisse le petit Charles à sa grand-mère, on donne congé aux domestiques. On part avec le sourire d'un ciel bleu, lacté de nuages, uniquement pour en rehausser l'effet. On respire le bon air, on le fend par le trot du gros cheval normand sur qui le printemps agit. Enfin, l'on arrive à Marne, au-dessus de Ville-d'Avray, où les Deschars se pavanent dans une villa copiée sur une villa de Florence et entourée de prairies suisses sans tous les inconvénients des Alpes. Mon Dieu, quelle délice, qu'une semblable maison de campagne! S'écrie Caroline en se promenant dans les bois admirables qui bordent Marne et Ville-d'Avray. On est heureux par les yeux comme si on y avait un cœur. Caroline, ne pouvant prendre qu'Adolphe, prend alors Adolphe, qui redevient son Adolphe. Et de courir comme une biche, et de redevenir la jolie, naïve, petite, adorable pensionnaire qu'elle était, la voilà rejeune, blanche et rose. Ses yeux sourient, sa bouche est une grenade douée de sensibilité, d'une sensibilité qui paraît neuve. « Ça te plairait donc bien, ma chérie, une campagne ?» dit Adolphe en tenant Caroline par la taille et la sentant qui s'appuie comme pour en montrer la flexibilité. « Oh, tu seras assez gentil pour m'en acheter une. N'aie pas de folie. Saisis une occasion comme celle des Deschars. »« Te plaire, savoir bien ce qui peut te faire plaisir. » Voilà l'étude de ton Adolphe. Ils sont seuls. Ils peuvent se dire leurs petits mots d'amitié, défiler le chapelet de leur mignardise secrète. On veut donc plaire à sa petite fille. Dit Caroline, en mettant sa tête sur l'épaule d'Adolphe, qui la baise au front en pensant... Oh, Dieu merci. Je la tiens. Axiome. Quand un mari et une femme se tiennent, le diable seul sait celui qui tient l'autre. Le jeune ménage est charmant, et la grosse Madame Deschars se permet une remarque assez décolletée pour elle, si sévère, si prude, si dévote. La campagne a la propriété de rendre les maris très aimables. Monsieur Deschars indique une occasion à saisir. On veut vendre une maison à Ville-d'Avray, toujours pour rien. Or, la maison de campagne est une maladie particulière à l'habitant de Paris. Cette maladie a sa durée et sa guérison. Adolphe est un mari, ce n'est pas un médecin. Il achète la campagne et il s'y installe avec Caroline, redevenue sa Caroline, sa Carola, sa biche blanche, son gros trésor, sa petite fille, etc. Voici quels symptômes alarmants se déclarent avec une effrayante rapidité. La viande est moins chère à Paris qu'à Sèvres. Les fruits sont hors de prix. Monsieur Deschard remarque, avec la profonde science de calcul qui distingue un ancien notaire, que le prix de ses voyages à Paris, cumulé avec les intérêts du prix de la campagne, avec les impositions, les réparations, les gages du concierge et de sa femme, etc., équivalent à un loyer de 1000 écus. Il ne sait pas comment, lui, ancien notaire, s'est laissé prendre à cela. On convient à la ronde, dans les salons de Madame Deschard, qu'une maison de campagne, loin d'être un plaisir, est une plaie vive. Quelle idée as-tu donc eu là d'avoir une maison de campagne ? Ce qu'il y a de mieux en fait de campagne est d'y aller chez les autres. Adolphe se rappelle un proverbe anglais qui dit « N'ayez jamais de journal, de maîtresse, ni de campagne. Il y a toujours des imbéciles qui se chargent d'en avoir pour vous. Bah. » Répond Adolphe que le temps conjugal a définitivement éclairé sur la logique des femmes. Tu as raison. Mais aussi, que veux-tu ? L'enfant s'y porte à ravir. Quoiqu'Adolphe soit devenu prudent, cette réponse éveille les susceptibilités de Caroline. Une mère veut bien penser exclusivement à son enfant, mais elle ne veut pas se le voir préférer. Madame se tait. Le lendemain, elle s'ennuie à la mort. Adolphe est en partie pour ses affaires, elle l'attend depuis 5 heures jusqu'à 7 et va seule avec le petit Charles jusqu'à la voiture. Elle parle pendant 3 quarts d'heure de ses inquiétudes. Elle a eu peur en allant de chez elle au bureau des voitures. Est-il convenable qu'une jeune femme soit là, seule ? Elle ne supportera pas cette existence-là. La villa crée alors une phase assez singulière et qui mérite un chapitre à part. La misère dans la misère. Axiome. La misère fait des parenthèses. Caroline, après une semaine où elle a noté les absences de monsieur, s'aperçoit qu'il passe 7 heures par jour loin d'elle. Un jour, Adolphe, qui revient gai comme un acteur applaudi, trouve sur le visage de Caroline une légère couche de gelée blanche. Après avoir vu que la froideur de sa mine est remarquée, Caroline prend un faux air amical dont l'expression bien connue a le don de faire intérieurement pester un homme et dit « Tu as donc eu beaucoup d'affaires aujourd'hui, mon ami ?»« Oui, beaucoup. »« Tu as pris des cabriolets ?»« J'en ai eu pour 7 francs. »« As-tu trouvé tout ton monde ?»« Oui, ceux à qui j'avais donné rendez-vous. »« Quand leur as-tu donc écrit ?»« L'encre est desséchée dans ton encrier. »« C'est comme de la laque. » J'ai eu à écrire et j'ai passé une grande heure à l'humecter avant d'en faire une bourbe compacte avec laquelle on aurait pu marquer des paquets destinés aux Indes. Ici, tout mari jette sur sa moitié des regards sournois. Je leur ai vraisemblablement écrit à Paris. Quelles affaires donc, Adolphe ? Ne les connais-tu pas ? Veux-tu que je te les dise ? Il y a d'abord l'affaire Chaumontel. Je croyais Monsieur Chaumontel en Suisse. Mais n'a-t-il pas ses représentants ? Son avoué. Tu n'as fait que des affaires ? Dit Caroline en interrompant Adolphe. Elle jette alors un regard clair, direct, par lequel elle plonge à l'improviste dans les yeux de son mari une épée dans un cœur. Mais que veux-tu que j'aie fait ? De la fausse monnaie ? Des dettes ? De la tapisserie ? Mais je ne sais pas. Je ne peux rien deviner d'abord. Tu me l'as dit 100 fois, je suis trop bête. Bon, voilà que tu prends mauvaise part à mot caressant. Oh. Va, ceci est bien femme. As-tu conclu quelque chose ? Dit-elle en prenant un air d'intérêt pour les affaires. Non, rien. Combien de personnes as-tu vues ? 11, sans compter celles qui se promenaient sur les boulevards. Comme tu me réponds ? Mais aussi tu m'interroges comme si tu avais fait pendant 10 ans le métier de juge d'instruction. Eh bien, mais raconte-moi ta journée, ça m'amusera. Tu devrais bien penser ici à mes plaisirs. Je m'ennuie assez quand tu me laisses là, seule, pendant des journées entières. Tu veux que je t'amuse en te racontant des affaires ? Autrefois, tu me disais tout. Ce petit reproche amical déguise une espèce de certitude que veut avoir Caroline, touchant les choses graves dissimulées par Adolphe. Adolphe entreprend alors de raconter sa journée. Caroline affecte une espèce de distraction assez bien jouée pour faire croire qu'elle n'écoute pas. Mais Tu me disais tout à l'heure... s'écrie-t-elle au moment où notre Adolphe s'entortille. Que tu as pris pour 7 francs de cabriolet. Et tu parles maintenant d'un fiacre ? Ah, il était sans doute à l'heure. Tu as donc fait tes affaires en fiacre ? Dit-elle d'un petit ton goguenard. Pourquoi les fiacres me seraient-ils interdits ? Tu n'es pas allé chez Madame de Fichtaminel ? Dit-elle au milieu d'une explication excessivement embrouillée où elle vous coupe insolemment la parole. Pourquoi y serais-je allé ? Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais voulu savoir si son salon est fini. Il l'est. Ah, tu y es donc allé ? Non, son tapissier me l'a dit. Tu connais son tapissier ? Oui. Qui est-ce ? Brachon. Tu l'as donc rencontré, le tapissier ? Oui. Mais tu m'as dit d'être allé qu'en voiture. Mais, mon enfant, pour prendre des voitures, on va les chercher. Bah, tu l'auras trouvé dans le fiacre. Qui ? Bah, le salon. Ou Brachon. Bah, l'un comme l'autre est aussi probable. Mais tu veux donc pas m'écouter ? S'écrie Adolphe en pensant qu'avec une longue narration, il endormira les soupçons de Caroline. Je t'ai trop écouté. Tiens, tu mens depuis une heure comme un commis voyageur. Ah, je ne dirai plus rien. J'en sais assez, je sais tout ce que je voulais savoir. Oui, tu me dis que tu as vu des avoués, des notaires, des banquiers, tu n'as vu personne de ces gens-là. Si j'allais faire une visite demain, Madame de Fichtaminel, sais-tu ce qu'elle me dirait ? Ici, Caroline observe Adolphe. Mais Adolphe affecte un calme trompeur, au beau milieu duquel Caroline jette la ligne afin de pêcher un indice. Eh bien, elle me dirait qu'elle a eu le plaisir de te voir. Mon Dieu, sommes-nous malheureuses. Nous ne pouvons jamais savoir ce que vous faites. Nous sommes cloués là dans nos ménages pendant que vous êtes à vos affaires. Belles affaires. Dans ce cas-là, je te raconterai, moi, des affaires un peu mieux machinées que les tiennes. Vous nous apprenez de belles choses. On dit que les femmes sont perverses, mais qui les a perverties ? Ici, Adolphe essaie, en arrêtant un regard fixe sur Caroline, d'arrêter ce flux de paroles. Caroline, comme un cheval qui reçoit un coup de fouet, reprend de plus belle et avec l'animation d'une coda rossinienne. Ah, c'est une jolie combinaison. Mettre sa femme à la campagne pour être libre de passer la journée à Paris comme on l'entend. Voilà donc la raison de votre passion pour une maison de campagne. Et moi, pauvre bécasse, qui donne dans le panneau. Mais vous avez raison, monsieur. C'est très commode, une campagne. Elle peut avoir deux fins. Madame s'en arrangera tout aussi bien que monsieur. À vous parier ses fiacres, à moi les bois et leurs ombrages. Oh, tiens, décidez-moi, Adolphe. Cela me va. Ne nous fâchons plus. Adolphe s'entend dire des sarcasmes pendant une heure. As-tu fini, ma chère ? Demande-t-il en saisissant un moment où elle hoche la tête sur une interrogation à effet. Caroline termine alors en s'écriant : J'en ai bien assez de la campagne et je n'y remets plus les pieds. Écoute, Caroline. Encore si tu voulais m'avouer ce que tu as fait aujourd'hui. Tiens, tu ne me connais pas. Je serai bonne enfant. Dis-le-moi. Je te pardonne à l'avance tout ce que tu auras fait. Adolphe a eu des relations avant son mariage. Il connaît trop bien le résultat d'un aveu pour en faire à sa femme. Et alors il répond « Je vais tout te dire. » « Eh bien, tu seras gentil. Je t'en aimerai mieux. » « Je suis restée 3 heures. » « J'en étais sûre. Chez Madame de Fichtaminel. » « Non, chez notre notaire, qui m'avait trouvé un acquéreur, mais nous n'avons jamais pu nous entendre. Il voulait notre maison de campagne toute meublée, et en sortant, je suis allée chez Brachon. » Pour savoir ce que nous lui devions. Tu viens d'arranger ce roman-là pendant que je te parlais. Voyons, regarde-moi. J'irai voir Brachon demain. Adolphe ne peut retenir une contraction nerveuse. Ah, tu ne peux pas t'empêcher de rire, hein, vois-tu ? Vieux monstre. Je ris de ton entêtement. J'irai demain chez Madame de Fichtaminel. Va où tu voudras. Quel brutalité ! Dit Caroline en se levant et s'en allant son mouchoir sur les yeux. La maison de campagne, si ardemment désirée par Caroline, est devenue une invention diabolique d'Adolphe, un piège où s'est prise la biche. Depuis qu'Adolphe a reconnu qu'il est impossible de raisonner avec Caroline, il lui laisse dire tout ce qu'elle veut. 2 mois après, il vend 7 000 francs, une villa qui lui coûte 22 000 francs. Mais il y gagne de savoir que la campagne n'est pas encore ce qui plaît à Caroline. Le 18 Brumaire des ménages. Un matin, Adolphe est définitivement saisi par la triomphante idée de laisser Caroline maîtresse de trouver elle-même ce qui lui plaît. Il lui remet le gouvernement de la maison en lui disant « Fais ce que tu voudras ». Il substitue le système constitutionnel au système autocratique, un ministère responsable au lieu d'un pouvoir conjugal absolu. Cette preuve de confiance, objet d'une secrète envie, est le bâton de maréchal des femmes. Les femmes sont alors, selon l'expression vulgaire, maîtresses à la maison. Dès lors, rien, pas même les souvenirs de la lune de miel, ne peut se comparer au bonheur d'Adolphe pendant quelques jours. Au bout d'un mois, l'état d'Adolphe a quelques similitudes avec celui des enfants vers la fin de la première semaine de l'année. Aussi, Caroline commence-t-elle à dire, non pas en paroles, mais en action, en mime, en expression mimique. « On ne sait que faire pour plaire à un homme. » Laisser à sa femme le gouvernail de la barque est une idée excessivement ordinaire, qui mériterait peu l'expression de triomphante décernée en tête de ce chapitre, si elle n'était pas doublée de l'idée de destituer Caroline. Adolphe, qui se donne la comédie chez lui, passe par les phases suivantes. Première époque. Tout va trop bien. Caroline achète de jolis petits registres pour écrire ses dépenses. Elle achète un joli petit meuble pour serrer l'argent. Elle fait vivre admirablement bien Adolphe. Elle est heureuse dans son approbation. Elle découvre une foule de choses qui manquent dans la maison. Elle met sa gloire à être une maîtresse de maison incomparable. Adolphe, qui s'érige lui-même en censeur, ne trouve pas la plus petite observation à formuler. Son linge est soigné comme celui du confesseur d'une dévote à péché véniel. À table, tous ses goûts, ses caprices même sont étudiés, consultés. Il engraisse. Il a de l'encre dans son écritoire et l'éponge en est toujours humide. Il ne peut rien dire, pas même comme Louis XIV, « j'ai failli attendre ». Enfin, il est à tout propos qualifié d'un amour d'homme. Il est obligé de gronder Caroline de ce qu'elle s'oublie. Elle ne pense pas assez à elle. Caroline enregistre ce doux reproche. Deuxième époque. La scène change à table. Tout est bien cher. Les légumes sont hors de prix. Le bois se vend comme s'il venait du Mexique. Le dessert est une cause de ruine. Adolphe entend souvent Caroline disant à Madame Deschard « Mais comment faites-vous ? » Elle a les soucis du pouvoir. « Les hommes sont bien heureux de ne pas avoir à mener un ménage. Les femmes ont le fardeau des détails. » Caroline a des dettes. Mais comme elle ne veut pas avoir tort, elle commence par établir que l'expérience est une si belle chose qu'on ne saurait l'acheter trop cher. Adolphe rit dans sa barbe en prévoyant une catastrophe qui lui rendra le pouvoir. Troisième époque. Caroline, pénétrée de cette vérité qu'il faut manger uniquement pour vivre, fait jouir Adolphe des agréments d'une table cénobitique. Adolphe a des chaussettes lézardées ou grosses du lichen des raccommodages faits à la hâte, car sa femme n'a pas assez de la journée pour ce qu'elle veut faire. Le linge est vieux et bâille comme un portier ou comme la porte cochère. Au moment où Adolphe est pressé de conclure une affaire, il met une heure à s'habiller en cherchant ses affaires une à une. Mais Caroline est très bien mise. Madame a de jolis chapeaux, des bottines en velours, des mantilles. Elle a pris son parti, elle administre en vertu de ce principe, charité bien ordonnée commence par elle-même. Quand Adolphe se plaint du contraste entre son dénuement et la splendeur de Caroline, Caroline lui dit « Mais tu m'as grondé de ne rien m'acheter ?» Un échange de plaisanteries plus ou moins aigres commence à s'établir alors entre les époux. Caroline, un soir, se fait charmante afin de glisser l'aveu d'un déficit assez considérable, absolument comme quand le ministère se livre à l'éloge des contribuables et se met à vanter la grandeur du pays en accouchant d'un petit projet de loi qui demande des crédits supplémentaires. Adolphe, éclairé par ses misères passées, attend une occasion d'éclater et Caroline s'endort dans une trompeuse sécurité. Mais enfin, Adolphe, après un certain temps qui reste à déterminer par le bilan de chaque ménage, au milieu d'une discussion, lâche ce mot fatal. Quand j'étais garçon... Le temps de garçon est relativement à la femme ce qu'est le « mon pauvre défunt » relativement au nouveau mari d'une veuve. Ces deux coups de langue font des blessures qui ne se cicatrisent jamais complètement. Et alors, Adolphe de continuer comme le général Bonaparte parlant aux 500. Mais nous sommes sur un volcan. Le ménage n'a plus de gouvernement. L'heure de prendre un parti est arrivée. Tu parles de bonheur, Caroline. Tu l'as compromis. Tu l'as mis en question par tes exigences. Tu as violé le code civil en t'immisçant dans la discussion des affaires. Tu as attenté au pouvoir conjugal. Il faut réformer notre intérieur. Caroline ne crie pas, comme les 500, « à bas le dictateur ». Car on ne crie jamais quand on est sûr de l'abattre. Quand j'étais garçon, je n'avais que des chaussures neuves. Je trouvais des serviettes blanches à mon couvert tous les jours. Je n'étais volé par le restaurateur que d'une somme déterminée. Je vous ai donné ma liberté chérie. Qu'en avez-vous fait ? Suis-je donc si coupable, Adolphe, d'avoir voulu t'éviter des soucis ? Reprends la clé de la caisse. Mais qu'arrivera-t-il ? J'en suis honteuse, tu me forceras à jouer la comédie pour avoir les choses les plus nécessaires. Est-ce là ce que tu veux ? Avilir ta femme ? Ou mettre en présence deux intérêts contraires ? Et voilà, pour les trois quarts des Français, le mariage parfaitement défini. Et sois tranquille, mon ami. Je ne te demanderai jamais rien. Je ne suis pas une mendiante. Je sais bien ce que je ferai. Tu ne me connais pas. Quoi ? On ne peut donc avec vous autres ni plaisanter ni s'expliquer. Que feras-tu ? Cela ne vous regarde pas. Pardon, madame, au contraire ? La dignité ? L'honneur ? Oh, soyez tranquille à cet égard, monsieur. Pour vous, plus que pour moi, je saurais garder le secret le plus profond. Eh bien, dites. Voyons, Caroline, ma chère Caroline, que feras-tu ? Caroline jette un regard de vipère à Adolphe qui recule et va se promener. Mais voyons, que comptes-tu faire ? Demande-t-il après un silence infiniment trop prolongé. Je travaillerai, monsieur. Sur ce mot sublime, Adolphe exécute un mouvement de retraite en s'apercevant d'une exaspération enfiélée en sentant un mistral dont l'âpreté n'avait pas encore soufflé dans la chambre conjugale. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gonon, Catherine Sauval. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.